Les enfants des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord passent les jours agréables dans la colonie de vacances internationale de Sangdo-won grâce à l'amour du Parti du Travail de Corée. Le personnel enseignant et administratif de la colonie met ses soins à veiller sur leurs activités extrascolaires et leur vie. Les militaires et civils de la ville de Pyongyang, de la province du Gangwon et d'autres provinces les visitent avec des fruits, denrées alimentaires, vêtements, etc.